vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs. Je vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs. Et tout ce qu'il y a de plus mauvais en moi se forme. Les vérités sont dures à croire tellement elles sont énormes. Glacé devant ces reflets sombres qui me désarment. Je vois défiler ma nature dans un miroir qui me sonde l'âme. Je sens qu'il vit, qu'il me fixe dans la pénombre. Et il me montre des horloges fanées sur des tombes d'années. Je pourrais crever en face de ce mal que je connais si bien. Des roses noires qui poussent à vitesse grand V. Il m'a enlevé les mots de la bouche et les pensées de l'esprit. Là où s'éteint le soleil et où la lune brille en osmose dans ce décor si dur sans mal. Masque sans voile, sans casque, sans strass. Je vois les ténèbres quand apparaissent des corps qui pourrissent ta vue d'œil. Et bizarrement je me sens mieux dans mes pompes funèbres. Entouré d'un nuage épais, en armure, l'épée à la main. Je suis l'humain qui se bat contre la paix. Les aiguilles du temps transpercent le ventre. C'est moi qui perce le vent, c'est moi qui renverse les plantes. Et au final, c'est l'odeur de la victoire que j'inhale. Et l'ascension de mes entrailles aux amygdales. Je vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs. Je vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs. Dans ce miroir, les idées noires. Dans ce ton corps et encore et encore. On peut y voir tout mon espoir se matérialiser à la place de mon corps. Dans ce miroir, les idées. Matérialiser à la place de mon corps. Dans ce miroir, je vois un visage marqué. Ses yeux sombres me jettent un regard froid. J'y perçois le reflet de mes pensées les plus profondes. La noirceur de mon âme en une fraction de seconde. Il fait constamment nuit dans ce monde. Et la brume qui m'entoure est nauséabonde. Vivant parmi les morts. Ça c'est dans mes rêves tard en plein sommeil. Imagine la couleur qu'ont mes cauchemars. L'envie de blesser, de voir un teint blafard. Mon Dieu à moi me parle que quand je n'ai pas le cafard. Je hais les hommes, leur manie. Tous ont des cornes qui disparaissent avant la forêt d'Amazonie. Le ciel dégage sur un champ d'étoiles. Serait-ce des tombeaux, un cimetière, en tout cas magnifique toile. Une image sinistre et derrière un paysage mortuaire fait de cendres et de poussière. Je vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs. Je vois mes pensées les plus obscures, obscures. Se réfléchir dans le miroir, au fur et à mesure mes idées noires apparaissent comme si elles étaient pures. Et me poursuivent comme des ombres sur les murs.